Chapitre 14e. Tenez, que répondra cela? Dit Boyne à dîner, en poussant la dépêche sur la table où il s'attardait avec Rose, après le dessert, devant les restes d'un plat de fraises à la crème. Elle s'était montrée délicieuse toute la soirée. Elle comprenait si bien Judith, avec une nuance de réserve. Elle était si tendre pour Terry, si maternelle pour les autres. C'était navrant toute cette histoire, et c'était si touchant, leur confiance en Martine. On voyait si bien que ces pauvres petits n'avaient pas d'autre ami. Oui, se dit Boyne, c'est bien son cœur, comme elle a bien senti cela. Mais que faire? Quelle issue? Tout le dîner avait roulé sur cette question, si bien que Boyne, tout à fait sûr maintenant de l'intérêt de son ami, grâce à Terry surtout, n'hésita plus à tirer la dépêche de sa poche. Rose la lut avec attention. « Quand l'avez-vous reçue ?»« Tout à l'heure, en rentrant. » Elle soupira. C'était évident qu'il ne faudrait pas 24 heures pour les retrouver. Pauvres petits, avec leur grande conspiration. C'est égal, j'aurais été contente de les garder un jour ou deux. Surtout ce petit bonhomme qui n'en peut plus. « Eh bien, ce n'est peut-être pas impossible. » Elle leva les sourcils. Mais lui, au lieu de répondre à cette interrogation, « Vous ne m'avez toujours pas dit ce que je dois répondre. » Elle eut un nouveau jeu de ses agiles sourcils. « Vous n'avez pas le choix, je pense. Si vous ne les renvoyez pas, le père viendra les chercher. »« Les renvoyer, moi, n'y comptez pas. » « Alors ?» Ses prunelles s'assombrirent. Elle reprit la dépêche et s'absorba dans cette étude. Puis, elle releva les yeux vers Boyne avec une lueur de sourire. « Je serais curieuse de connaître votre idée. » Il la regarda, perplexe. « Et si je ne répondais pas du tout ?»« À votre aise. Mais qui peut empêcher le père de téléphoner à l'hôtel, de demander si vous y êtes, et si on vous a vu avec une tripotée d'enfants ?»« Mais justement, si je n'y suis plus ?»« Je déguerpis, je pars pour Pieve et Dicadore, n'importe où. Et les petits, je les emmène. C'est sérieux ?»« Tout à fait sérieux. » Elle eut un petit rire comme un froufrou de soie. « Cher ami, je ne vous croyais pas si enfant. Combien de temps vous figurez-vous que vous pourrez vous cacher? Vous ne feriez que gâter les choses pour ces pauvres petits, et pour vous. Moi, je m'en moque, mais pour eux. » Il fronça le front et réfléchit. « Ma foi, c'est vrai, vous avez peut-être raison. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez ?»« De persuader cette jeune fille de rentrer sans perdre un moment. Cela me fait beaucoup de peine. » Surtout pour ce petit Terry. Mais je ne vois rien de mieux à faire. » Il se leva et se mit à arpenter la pièce. « Ça, jamais. » Elle posa doucement ses bras blancs sur la nappe et suivit en souriant sa promenade impatiente. « Alors ?»« Je ne sais pas, je ne vois pas clair. J'ai du temps devant moi, la nuit porte conseil. » »« Vous aurez beau vous creuser la tête, vous n'en serez pas plus avancé. » Elle sourit et lui envoya un regard presque hostile. « Il m'est arrivé de me tirer d'un ou deux pas plus difficiles. »« Je n'en doute pas, » répondit-elle avec un ton d'admiration légèrement moqueuse. Ils en étaient demeurés là, trop avisés pour prolonger une discussion inutile. Et le lendemain matin, en effet, Boyne, sans recourir à personne, se leva muni d'un plan. Il décida de commencer par voir la jeune fille et se trouva devant la pension avant que les volets de sa chambre fussent ouverts. Il convoqua l'institutrice et lui dit de faire descendre sur le champ sa maîtresse. « Mauvaise nouvelle, monsieur ? » fit-elle avec inquiétude. « Vous ne croyez pas sérieusement qu'il faudrait plus de temps que cela à Wetter pour vous rattraper ?» L'institutrice blêmit. « Il nous fait suivre par la police ?» Il éclata de rire. « Pour détournement de mineurs. Dans ce cas, ma chère demoiselle, je vous jure que les gendarmes ne passeront que sur mon corps. » Elle s'apprêta à sortir et se retourna sur le seuil. « Judith a tout fait, moi le sachant, et j'ai prêté mon consentement. Je ne dis pas que j'ai approuvé, » souffla-t-elle dans un murmure pathétique. « C'est entendu, mais faites-la descendre tout de suite, n'est-ce pas ?» Quelques minutes, et la jeune fille était en bas, fagotée à la diable, dans un peignoir coquelicot, les yeux tout embrouillés de cheveux et de sommeil. « Qu'y a-t-il, Martine ? La police ?» Il se remit à rire avec un peu d'impatience. « Ne faites donc pas l'enfant. Vous êtes aussi bête que Scopy. Vous supposez donc que votre père vous ferait arrêter ?» Elle répondit à sa question par une autre. « Qu'est-ce qu'il va faire, alors ?» Il lui tendit la dépêche, et elle, rapide comme l'éclair, « Vous avez répondu ?»« Pas encore. »« Eh bien, il ne reste qu'à partir. » Il la regarda. si stupéfait d'une telle capitulation qu'il se sentit tomber à plat. Il venait, prêt à se battre pour elle, à la vie, à la mort, et elle se rendait. « Nous pourrions attraper un bateau à Trieste » fit-elle en poursuivant un monologue intérieur. Cette question imprévue redressa Boyne sur ses pieds. « Pourquoi Trieste? Pour aller où ? » dit-il en la regardant ébahie. « Ça m'est égal. N'importe où, où on ne nous trouverait pas tout de suite, » dit-elle en se répondant elle-même, comme s'il n'était pas là. « Qui sait ? Le mieux sera peut-être de rentrer en Amérique. Qu'en pensez-vous ? Il y a là-bas grand-mère, la mère de maman. Nous serions bien chez elle. En attendant, vous feriez croire au Wetter que nous sommes toujours ici. Il se rassurerait et nous aurions le temps de déguerpir. » Boyne fut secrètement satisfait de voir que la jeune fille ne cédait pas. Cela lui ressemblait d'abord. Et il en était au point de lui demander avant tout d'être elle-même. Il conserva pourtant assez de présence d'esprit pour répondre d'un ton ironique. « Un grand merci pour le rôle que vous me faites jouer. Mais ma pauvre enfant, quand même vous pourriez exécuter cette petite fugue sans être repéré, ces voyages-là coûtent de l'argent. »« De l'argent? Mais j'en ai des masses !» dit-elle avec un grand sang-froid. « Qu'appelez-vous des masses d'argent? Les économies de Scopie ?» La jeune fille rougit. « C'est elle qui vous a dit ?»« Elle ne m'a rien dit, mais j'ai deviné. Scopie n'est pas inquiète. Elle sait que je suis un beau parti et qu'elle ne perdra rien. Et jusqu'où croyez-vous que son pauvre argent vous mènera ?» Elle baissa la tête une seconde et la releva aussitôt avec un sourire de confiance. « Pas bien loin, pauvre vieille Scopie, mais j'ai d'autres argent, Martine. Je suis riche. Si riche que cela. » Elle appuya sa tête ébouriffée sur le bois du sofa pour se donner le plaisir de jouir un petit moment de l'étonnement de Boyne avant de s'expliquer. « 5 000 $, vous ne trouvez pas que c'est une somme ?» Il fit un petit sifflement de surprise, comme pour dire « Ah, vous m'en direz tant !» Et elle secoua la tête pour répondre « C'est comme je vous le dis. Vous avez 5 000 $ à vous ?»« Pas à moi, mais je savais que papa les avait. » Boyne bondit, craignant de comprendre « Vous saviez ?»« Ne faites donc pas de gros yeux, Martine. J'ai pris cet argent à papa, si c'est cela que vous voulez me faire dire. Papa en a toujours des tasses sur lui. » Parce que ça leur épile de signer des chèques. Alors, tout simplement, vous vous êtes servi vous-même. Ce n'était pas bien difficile. Je savais où il met ses clés, dit-elle, comme pour repousser loyalement des louanges imméritées. Du reste, il y avait une somme destinée en grande partie aux frais de notre voyage en Engadine. Ainsi, c'était à peine un vol. Boyne se rassit, cette fois à l'autre bout de la pièce. Il avait l'air de redouter on ne sait quel maléfice caché dans cette petite figure en peignoir coquelicot, brouillée de sommeil et de mèches folles, et qui se rencognait dans l'angle du canapé d'un air de défi. « J'espère que vous avez dit cela à votre père dans la lettre que vous lui avez laissée en partant. « Quoi ? Que j'avais pris l'argent ? Alors ce n'était vraiment pas la peine de le prendre, » dit-elle en riant. Boyne fit un grondement sourd et demeura les yeux fixés sur les lattes bien grattées du parquet. Il concentra son attention sur un des nœuds du bois résineux, puis il se releva avec difficulté sur des jambes de plomb. « C'est bien, » dit-il. « Je ne m'occupe plus de vous, je m'en lave les mains. » Elle se leva aussi et vint à lui. « Martine, » dit-elle d'une voix effrayée, « qu'allez-vous faire ? Moi ? Rien. » « Répondez-vous-même, si vous voulez, » répliqua-t-il avec brusquerie, en repoussant la main qu'elle lui tendait. Il traversa la pièce. Regarda sans les voir son chapeau et sa canne qu'il avait jetés sur la table en entrant, et se disposa à sortir sans songer à les reprendre. Sur le seuil, la jeune fille s'empara de son bras d'un geste désespéré. Elle levait vers lui un visage humide et effrayé. « Martine, appelez-moi donc voleuse, et que tout soit dit !» Il se retourna violemment. « Savez-vous ce que vous êtes, petite malheureuse ? Une sauvagesse de la terre de feu a plus de sens moral que vous ! « C'est possible, je n'en connais pas. » Meadow Westway faisait comme ça. Comme quoi ? Prendre dans le tiroir de sa mère. C'était le seul moyen. Payer des notes, les parents ont tous horreur de ça. Elle tremblait de tout son corps sans le lâcher. « Miss Cope, c'est tout, j'espère. » Elle fit signe que oui. Je lui ai dit qu'il le fallait. Cela n'a pas été sans peine. Elle a bien vu pourtant que c'était le seul moyen. Elle a très peu de côté parce qu'elle a un frère qui boit. « Et Terry, est-ce qu'il le sait, Louis ?»« Voyons, Martine, mais Terry, vous n'y pensez pas, vous n'êtes pas sérieux. Vous me dites ça pour me faire peur, Martine. Vous ne direz jamais rien à Terry, n'est-ce pas ? J'en mourrai. Tous les autres, ça m'est égal. » il se tut. L'étreinte désespérée de la jeune fille lui faisait mal, comme si le bras qu'elle tenait était paralysé et en même temps traversé d'aiguilles de feu. De même, deux sentiments pareillement opposés se partageaient son cœur. D'une part, il était accablé de la détresse de son impuissance. Toute sa pitié, quelque chose de plus que la pitié, prenait parti pour la jeune fille. En même temps, un autre sentiment presque aussi fort l'éloignait d'elle. Sa vieille habitude d'une probité sans réserve, l'honneur de l'homme de travail qui tient sa parole, et exige en retour qu'on la tienne coûte que coûte à tout prix. La laisser dériver, elle, je ne peux pourtant pas. Cette formule résumait à peu près son désordre. Elle supplia. « Martine, que voulez-vous que je fasse ? » murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. Les siennes devinrent de bois. « Asseyez-vous à cette table et écrivez à votre père que c'est vous qui avez pris l'argent. Et pourquoi vous avez fait cela ?» Elle réfléchit un moment. Elle paraissait souffrir. « Si je refuse, » finit-elle par dire, « vous me dénoncerez à Terry. » Il la regarda indigné. « À Terry, jamais de la vie !»« C'est bon, j'écris. » Boyne triompha et rougit de plaisir d'une si rapide victoire, mais plus encore de la manière dont il l'avait remportée. « À la bonne heure, » s'écria-t-il, « je retrouve ma Judy. » Le visage de la jeune fille se colora à son tour, mais malgré sa surprise, demeura tiré et sans joie. « Mais si j'écris, tout est fini. Tout est fini de toute manière, mon enfant. » La couleur disparut des joues de la jeune fille. « Vous n'allez pas nous abandonner ?»« Je vous abandonne si peu que je prends demain le train pour Venise et je vais voir votre père. »« Vous allez lui dire où nous sommes ?»« Dame !» La main qui serrait le bras de Boyne retomba. La jeune fille se tenait accablée devant lui. Toute sa jeunesse s'enfuit de son visage. Boyne fut épouvanté de l'effet de ses paroles. Interdit devant cette immense capacité de souffrir qui était l'élément tragique de ce caractère étrange. « Alors, c'est décidé, vous nous abandonnez. Vous vous désintéressez de ce qui nous arrive. » Il se tut un moment, puis rentra dans la pièce et prit entre les siennes les mains glacées de la jeune fille. « Judith, regardez-moi. » Elle obéit. « Vous ne comprenez pas qu'en ce moment une seule chose m'importe, vous faire comprendre ce que vous avez fait. » « C'est toujours l'argent, » souffla-t-elle. « Oui, cet argent. » « Vous êtes bien sûr que c'est ce qui compte plus que tout ?» Cette question imprévue coupa court le raisonnement de Boyne. Elle sortait d'un plan d'expérience inconnu, jaillissait d'un abîme de souffrance et de désenchantement qu'il n'avait jamais pénétré. « Comprenez-moi, Martine, » dit-elle en saisissant son avantage. « Si nous pouvions seulement arriver jusque chez bonne maman Mervyn, je suis sûr qu'elle nous garderait. Elle obtiendrait au moins qu'on ne nous sépare pas. Dans toutes ses lettres à maman, elle nous appelle ses pauvres petits. C'est une dame très vieux jeu, bonne maman Mervyn. Quant à l'argent, Martine, papa ne s'apercevra pas de sitôt de la soustraction. Il y en avait bien davantage dans le coffre où je l'ai pris. Il en emporte toujours pour des sommes fabuleuses et il ne compte jamais. Il ne sait pas ce qu'il dépense. Une fois, son valet de chambre lui a pris une très grosse somme. Il a mis plus d'un an à s'en apercevoir. Et sans argent, comment voulez-vous que nous allions en Amérique ? Boyne fit effort pour se raidir et détourna les yeux de la petite sirène. Alors vous jouez à pile ou face sur la même chance que ce filou. Allons, ce mot lui fit du bien. Cela allait mieux à présent. Il put continuer sur un ton plus humain. Ma pauvre enfant, vous ne voyez pas que c'est cette affaire d'argent qui gâte tout. D'abord, vous allez me le remettre. Et moi, je vais de ce pas le rendre à votre père. Alors, je me battrai pour vous comme un lion. La jeune fille parut n'entendre que ces derniers mots. « C'est vrai, Martine chérie, c'est vrai que vous ferez cela. » À l'instant, il sentit ses bras autour de son cou et son jeune visage humide sous ses lèvres. « Voyons, voyons, » grommela-t-il. « Je le savais bien, Martine. J'en étais sûr que vous ne nous laisseriez pas tomber. » Elle exultait, soulagée, heureuse, presque en extase. Elle paraissait ondoyée sur des gerbes de flammes. Elle chantait. « Martine, je suis sûr que vous saurez leur parler comme il faut. Montez vite chez vous et apportez-moi cet argent, » lui rappela-t-il d'une voix sévère. Elle sortit. Il resta près de la fenêtre, les yeux perdus sur le paysage. Monde de lumière et de liberté, vaste croupe des montagnes, flèches de granit, colonnes de nuages dont les grandes ombres bleues faisaient la course dans les vallées. De tout cela, il ne voyait rien. Rien que le mince fil de la voie ferrée qui allait à Venise, où étaient les Water. Il lui restait à faire écrire cette lettre de la jeune fille à son père, et il lui restait, hélas, à la livrer elle-même, à livrer cet enfant qui lui faisait confiance entre les mains de l'ennemi.